Mesdames et messieurs, le voyage continue et je vous invite à regarder sur votre droite. Alors, il va vous falloir des jumelles parce qu'ils sont vraiment minuscules. Vous les voyez ? Toujours pas ? Ah, décidément, ils sont vraiment trop petits, ces prix. À la rentrée chez SFR, retrouvez les petits prix des Happy Box Days. Jusqu'au 3 septembre, la fibre starter est à seulement 9€ par mois pendant un an, puis 41€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Happy Box Days, les super jours de la box. Offre soumise à condition d'éligibilité, réserve aux nouveaux clients. Engagement 12 mois, box mise à disposition, frais d'ouverture de service 49€. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire tragique des enfants réunionnais de la Creuse. De 1963 à 1982, ils sont plus de 2000 à être exilés de force de leur île. Des gamins abandonnés ou parfois enlevés à leurs parents, pris en charge par les services sociaux et envoyés sans sommation à des milliers de kilomètres de leur quotidien. Pour la majorité d'entre eux, c'est un aller simple vers l'enfer où ils trouveront solitude, racisme, folie parfois, suicide aussi, déracinement partout. Partisan de cette opération, c'est l'homme Michel Debray, père de la Constitution de 1958 avec le général de Gaulle, premier ministre, plusieurs fois ministre. Il devient député de la Réunion et il s'inquiète de l'explosion démographique et de la pauvreté endémique qui touche l'île. Dans le tourbillon des trajectoires brisées et des souffrances personnelles, il y a l'histoire de Jean-Jacques Martial, l'une des nombreuses victimes. Un témoignage unique recueilli par notre reporter Anaël Verzo. 40 ans plus tard, lui et quelques autres anciens exilés intentent un procès retentissant à l'État français. Notre invité aujourd'hui, Yvan Jablonka, historien, auteur notamment d'Enfants en exil, une enquête historique, un livre somme qui revient sur le transfert massif de ces jeunes réunionnais. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Balandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Décrite par un voyageur du XVIIIe siècle comme le plus beau pays du monde, l'île de la Réunion a cessé depuis bien longtemps de se contempler dans le miroir de ses merveilles naturelles. Le réalisme l'a emporté sur le romantisme. À 13 000 km de Paris, on compte un peu sur soi-même et beaucoup sur la France. Mais soyons justes, si la Réunion vit dans l'ombre de la métropole, l'attachement sentimental l'emporte largement sur la nécessité. Dans leur immense majorité, ces hommes, ces femmes, ces enfants ne pensent qu'à rester français. L'idée de la rupture avec la mère patrie est une idée qui leur est insupportable. Quelle bonne base pour affirmer la solidarité nationale. La Réunion est vraiment une petite France de l'océan Indien. ...1966, le soleil brûle la petite ville de Saint-André sur la côte est de l'île de la Réunion. Entre les bananiers, quelques gamins, pieds nus, tapent dans une boîte de conserve. Sous ces allures de clichés, telle est pourtant la vie à la Réunion, cœur des années 60, cette petite France de l'océan Indien dont vient de parler le député Michel Debray, personnage clé de cette histoire. Pas très loin, des enfants jouent. Une deux chevaux prec enchaîne les virages sur un chemin sinueux. À son bord, un employé de la DAS et le garde champêtre. Tous deux sont aux aguets. Lorsqu'ils entendent le moteur, les petits footballeurs prennent peur et s'évanouissent dans la nature. Certains rament sur les cocotiers, d'autres se faufilent entre les cannes à sucre, car ils le savent. Ce jour-là, les fonctionnaires viennent pour Jean-Jacques Martial, un petit bonhomme de 6 ans. Il vit dans une case en tôle avec sa grand-mère et ses frères et sœurs. Parents séparés, remariés, milieu modeste. Lorsque les deux employés se présentent, la grand-mère gesticule, proteste, mais elle ne peut rien faire face à la froide raison de l'État. Le gosse doit partir, c'est comme ça, et c'est maintenant. À peine le temps d'un dernier baiser qu'il est déjà à l'arrière de la voiture, en compagnie d'un autre garçon plus jeune d'un an ou deux. Leurs regards se rencontrent, terrorisés. À leurs pieds, deux petites valises contenant quelques habits neufs. Tout a été prévu par la DAS. Les enfants n'emporteront aucune affaire personnelle, non. Tout juste quelques souvenirs. Ils ne reviendront pas. Et Jean-Jacques le sait. Il a déjà vu d'autres gosses s'engouffrer dans cette maudite voiture qui les transporte deux par deux, direction l'aéroport de Saint-Denis-la-Réunion. Pendant le trajet, les gamins pleurent, bien sûr. près de 50 ans après, Jean-Jacques Martial raconte ce qu'il a appris depuis sur le jour de son enlèvement au micro d'Annel Verzo. J'ai appris venant de la bouche de ma maman et de ma famille rionnaise que c'était une de mes tantes du côté de mon papa qui m'a vendu. Vous vous rendez compte ? Vendre son petit neveu. Vendre un petit marmaille. Arrivé à l'aéroport, le véhicule s'arrête. Là, on traîne les enfants jusqu'à la caravelle. Et lorsqu'ils entrent, ils découvrent des dizaines de gosses, filles et garçons de tout âge, tétanisés, dociles, silencieux. L'avion décolle. Pendant tout le voyage, l'ami de Jean-Jacques ne lui lâche pas la main. Personne ne se révolte. Non, chacun encaisse, comme il le peut. Et puis cette peur immense qui les empêche de bouger. Jean-Jacques pense à sa famille sans cesse, il l'imagine désespéré. Et puis il y a ces deux questions lancinantes, enfin, pourquoi moi ? Et que vais-je devenir ? L'avion atterrit à Paris. Jean-Jacques découvre alors les nuages bas du matin et la lumière pâle de la métropole. Et quand il sort de l'appareil, à Orly, le vent glacial du début d'hiver les saisit, ils grelottent dans leurs shorts et chemisettes. Jean-Jacques se souvient. Pour moi, c'était un grand bouleversement dans mon cerveau. À Paris, à Orly, c'était tout blanc, c'était maussade, il faisait froid, et les gens, malheureusement, c'était plus des marrons, c'était rien que des blancs, et il fallait causer français, il fallait plus causer petit nègre, comme ils nous ont tous dit, et puis je me sentais comme un martien, voilà. Je voulais vivre, donc m'y accepte, et voilà. Jean-Jacques découvre ses nouveaux vêtements, manteaux, chaussures, pantalons, bonnets, écharpes, gants. La neige aussi, qu'il voit pour la première fois. Et puis on l'emmène jusqu'à un car avec d'autres petits réunionnais, direction Guéret, dans la Creuse, en pleine diagonale du vide, là où une nouvelle vie les attend. Il ne reverra plus jamais son jeune compagnon. Ainsi commence l'histoire de Jean-Jacques Martial. Entre 1963 et 1982, lui et plus de 2000 enfants réunionnais sont exilés de force par les services de l'État dans les régions désertées de la métropole. Tous les ans, Creuse depuis 33 ans. Nous sommes en Creuse depuis 35 ans. La Réunion, nous ne sommes pas restés longtemps. Juste assez pour graver dans notre mémoire notre culture, force d'espoir. Un petit sang nous a appelés et notre destin est changé d'un coup. Dans le Limousin, on est arrivé, et à Guéret, on est resté. Le petit sort dont il est question dans cette chanson réunionnaise est l'application nette et précise d'une politique, fruit de la réflexion d'un homme, Michel Debré. Ce gaulliste de la première heure et ancien Premier ministre, rédacteur de la Constitution de 1958, chantre de la France éternelle, est député de La Réunion. Une île à 13 000 km de la métropole, une île, mais aussi depuis 1946, un département français. Chers compatriotes, je connais, et en métropole on connaît, vos difficultés, vos problèmes. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. Mais vous savez, et votre présence ici en témoigne, à quel point, à la mesure de votre patriotisme et de vos efforts, la solidarité française, la solidarité de la métropole s'étend jusqu'ici. En 1959, Michel Debré, alors Premier ministre, visite l'île pour la première fois. Il est à la fois subjugué par la ferveur des habitants, mais aussi révolté par la pauvreté et le sous-développement. Compagnon de route du général, ancien résistant, il se retrouve après la débâcle algérienne de 1962 à la recherche d'un mandat. La petite île abandonnée au milieu de l'océan constitue un terrain parfait pour mettre en application sa vision de la France. Le 5 mai 1963, il est élu député au premier tour. De retour à Orly, il s'exprime au micro de RTF. L'importance du vote de dimanche dans la première circonscription de la Réunion est venue du caractère de référendum national qu'a revêtu l'élection. Ce résultat, le résultat de l'élection de dimanche, est l'affirmation émouvante et profonde d'un patriotisme qui a saisi cette occasion pour se manifester d'une manière éclatante. Confetti surgit des flots de l'océan Indien, la Réunion est une île volcanique de 2500 km², dominée par le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise. Littoral est très dense, tandis que l'intérieur des terres, escarpé, est quasi vide. Ancienne colonie d'exploitation, celle qu'on appelait l'île Bourbon, est au début des années 60 repliée sur une économie archaïque et une société quasi féodale. On y exploite surtout la canne à sucre, activité agricole qui emploie les deux tiers de l'île. Misère, malnutrition, insalubrité, alcoolisme sont fréquents et l'habitat est précaire. Beaucoup vivent dans de petites paillotes en torchis, sans eau ni électricité, posées là sur un sol en terre battue. Ainsi, des bidonvilles déglinguées s'agglomèrent autour des principales villes, excroissance visible d'une misère qu'on n'arrive plus à cacher. Parachuté sur l'île, Michel Debray peut livrer bataille autour des grands sujets de sa vie politique, le progrès social et la modernité, la continuité territoriale de la République et surtout, surtout en bon gaulliste, la grandeur de la France. Il lance donc une politique de modernisation de l'île. À cette même époque, à la faveur des progrès médicaux, le taux de mortalité s'effondre alors que la natalité s'envole. Ainsi, l'île passe de 279 000 habitants en 54 à 417 000 en 67. Or, ce bond des naissances inquiète. L'élite métropolitaine développe volontiers l'idée de ce petit peuple bigarré, catholique et incontrôlable, poussé à l'amour par les chaudes nuits tropicales, dit-on, avec peut-être une pointe d'envie d'ailleurs. En tout cas, pour le député Debray, cette question de la démographie tourne à l'idée fixe, puis à l'obsession. Maudite surpopulation qui l'empêche de dormir, comme il le rappelle en 1963, toujours au micro de RTF. Naturellement, ce fait des Réunionnais qui pensent à leurs problèmes économiques et sociaux et qui prennent conscience du fait que leur taux exceptionnel de natalité rend plus grave et plus urgente les solutions qu'ils attendent. Très vite, le diagnostic est posé et avec lui, le remède. Évacuer le trop-plein démographique avant le débordement. Alors une solution s'impose, limpide, la migration. On organise donc, d'abord, le départ de jeunes adultes volontaires, plus de 37 000 en 19 ans, durant la période qui va de 1963 à 1982. Mais surtout, il y a la jeunesse, cette incontrôlable jeunesse qui peut se soulever à tout moment. Pire, elle pourrait vouloir renverser le pouvoir en place et réclamer l'indépendance de l'île. En une phrase, le suppléant de Michel Debray, Henri Serre, résume la situation. Du point de vue de l'administration, bien sûr. La Réunion, dit-il, est hors d'état d'absorber toute sa jeunesse. Une part doit venir en métropole. Voilà, c'est clair. Pour les autorités, les enjeux sont multiples. Il faut rééquilibrer la pyramide des âges, mais aussi extirper les enfants de leur milieu d'origine pour un nouveau départ, loin de la misère, loin de la violence. Et pourtant, dans un même temps, repeupler les départements de ce massif central vieillissant en métropole, c'est peut-être l'idée de l'exil de jeunes pupilles de l'ADA. C'est donc mise en place en 1963, dès les premiers mois du mandat. Sur le papier, les intentions paraissent, pour l'époque, louables. Debray et les siens envisagent cet exil comme une migration républicaine et quasi-coloniale, comme l'avait fait Jules Ferry, à une autre époque. On poursuit l'idéal républicain d'un vaste empire, divers et bienfaiteurs, d'où rayonne depuis Paris le génie français. Un Réunionnais est donc un Français comme un autre. Alors, ses enfants doivent rejoindre la métropole, quitte à mentir aux familles sur la vie de rêve qui les attend. Au micro de France Bleu, un ancien pupille, Jean-Philippe Jean-Marie, raconte. On a menti à certains parents en leur disant que votre fils allait être dans un établissement en métropole, qu'il allait revenir. Moi, mes sœurs et mes frères, ma mère croyaient que j'allais revenir. Ils ont toujours cru aviateur ou pilote d'avion ou des choses comme ça, parce qu'on les a fait miroiter des choses vraiment grandes. Moi, je dis, c'est un trafic d'enfants maintenant qui a été fait et puis programmé à cette époque par les instances. Ainsi, cet exil des jeunes pupilles réunionnais est-il vécu pour beaucoup d'entre eux comme une véritable déportation, voire, comme on vient d'entendre, un trafic d'enfants. De 1963 à 1966, on dénombre 450 départs. Lorsqu'ils arrivent, les gamins sont envoyés dans divers foyers métropolitains dans les régions les plus touchées par l'exode rural, Lozère, Gers, Tarn, Haute-Vienne et surtout la Creuse. Une habitante se souvient sur France 3 Limousin de l'arrivée de ces petits réunionnais à Guéret. Alors ils avaient bien une espèce de petit sourire, un vague petit sourire, mais leurs yeux étaient si tristes. Comme pour des centaines d'autres, l'arrivée dans le Massif central est pour Jean-Jacques un choc. Envoyé d'abord dans un foyer de Guéret, les débuts sont difficiles. Les enfants partagent un grand dortoir, une trentaine de petits lits en fer disposés en enfilade. Les horaires sont stricts et les conflits se règlent à coups de bâton. Et puis, il doit cohabiter avec les enfants du coin qui, souvent, ne sont pas tendres. Alors que la majorité des petits exilés réunionnais auraient besoin d'affection et de confiance, ils reçoivent une éducation à la dure, religieuse, souvent faite de règles obsolètes et d'infantilisation permanente. Jean-Philippe Jean-Marie se souvient de cela au micro de France Bleu en 2002. On arrive des petits noirs, des petits bronzés, comme on nous appelait, ou des petits singes, comme il y en a qui ont traité... Des petits singes, comme il y en a qui ont traité mes copains, eh ben, eux non plus, on peut pas leur en vouloir, parce qu'on les a menti, on leur a dit c'était des pauvres petits malheureux qui, que leur famille leur a abandonné et tout. Moi, à un moment donné, j'ai accepté d'être à cette place, mais toujours en n'ayant pas compris encore ce qui m'arrivait, avec des difficultés, bon, que ce soit sociales avec l'école, que ce soit... Et ça, c'est des choses qu'on peut pas oublier. Et puis, il y a la barrière de la langue. Le créole est considéré en métropole comme une vulgaire patois, une variation dégradée, tropicalisée du français. Pour les promoteurs de la migration, l'abandon du créole est donc un premier pas vers la civilisation. C'est surtout un acte d'acculturation. Alors, certains se renferment complexés, d'autres sombrent carrément dans la folie. Parfois, les épisodes dépressifs débouchent sur des suicides dans le silence des institutions. Les garçons, eux, extériorisent volontiers leur violence, férocité, qui peut déboucher sur la petite délinquance. Les filles, elles, expriment leur refus par le scandale et la provocation, allant parfois jusqu'à la prostitution. Il arrive même que des fratries entières, déplacées dans des familles différentes, se croisent en ville sans même savoir qu'elles ont un lien de parenté. Les prénoms sont parfois changés, les identités presque toujours bouleversées. Plus généralement, de nombreux rapports décrivent des enfants timides, secrets, rêveurs, effacés à l'égard des autres. Jean-Jacques en est l'illustration. Il vit terrorisé dans ce foyer, obéit à toutes les injonctions et reste silencieux, toujours sur ses gardes. Surtout, ne pas faire de vagues. Après quelques semaines dans cette atmosphère quasi carcérale, Jean-Jacques est confié à un couple de fermiers retraités qui habitent dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de Guéret. Il se souvient du jour où sa « tata », comme il l'appelle, est venue le chercher. Et quand ma tata est venue me chercher au foyer, c'est comme si j'avais ressenti un feeling du Sacré-Cœur. Quand ma future tata est venue me chercher, la première chose qu'elle m'a fait, c'était un bisou, me caresser les cheveux, puis prendre ma main et puis me demander est-ce que je voulais venir vivre chez elle auprès de son mari qui était mon tonton et plus tard. Et c'était l'amour propre. Et pour eux, c'était... les petits oiseaux des îles, j'étais leur petit ange gardien. Tous les jours, je pense à ma tata et mon tonton, la famille Dubreuil. Oui, cette fois, enfin, Jean-Jacques se sent aimé, accepté. Alors, ses souvenirs de la Réunion s'estompent. Les mois et les années s'écoulent dans une relative tranquillité. Certains pupilles intègrent des formations techniques dans des lycées professionnels. D'autres n'ont pas la même chance. Ils deviennent des garçons de ferme, main-d'œuvre malléable et gratuite. Mais un jour d'hiver 1971, alors que Jean-Jacques a 11 ans, un couple débarque. Monsieur et madame sont bien habillés. Ils viennent de la ville. C'est le début d'une nouvelle épreuve, terrible pour Jean-Jacques. Et le jour fatal, ma tata... On m'a dit, mon petit Jaco, ces monsieur et dames sont venus te chercher pour t'amener au sport d'hiver. Voilà, donc je suis parti comme cela. Et c'était une grande trahison et c'était une deuxième fois un enlèvement. Un deuxième enlèvement. Oui. En ce jour fatal, Jean-Jacques croit effectivement qu'il part faire du ski. Il prend place dans la voiture... Les heures et les kilomètres défilent. À l'entrée d'un village normand, la voiture ralentit, puis s'arrête. La femme parle, enfin. « Nous sommes à Saint-Vast-la-Hougue, dans ta nouvelle maison, » dit-elle. Jean-Jacques se sent trahi, il est furieux, il veut crier, partir. Oui, mais où ? Ses nouveaux parents ne sont pas spécialement affectueux, et dans sa nouvelle école, ses petits camarades demandent à la maîtresse pourquoi sa peau est noire. Il est adopté officiellement et change de nom. Pour se défouler, il fait du sport, mais son esprit est ailleurs. Il veut à tout prix savoir qui il est et donc effectue des recherches sur sa famille biologique. Mais sa priorité, c'est l'école, comme pour tous les gamins. Il doit apprendre à lire et écrire, lui, plus que les autres, pour affronter l'administration. Mais Jean-Jacques est touché par un nouveau drame. Un jour de décembre 1973, son père adoptif le viole une première fois. Il a 14 ans, plus rien, ne sera jamais comme avant. Je ne pouvais pas porter plainte contre lui, parce qu'à l'époque, un jeune adolescent, et surtout un petit marron, et j'aurais reçu des coups de pied au cul par les gendarmes. Et donc, ma seule solution, c'était de fermer ma bouche. Momo, où t'es vraiment là pour moi? Comme elle avait vraiment besoin. Je l'ai pas là comme elle a même. Viens, maman. Me souviens de bons petits bisous câlins. De l'eau dernière encore si moi. Tiens, ma lèvre, douleur, chagrin. Me souviens quand t'es fait goûter pour moi. Tous les soirs, tous les grands matins. Où t'es mettre ça, oui, dans mon main. Si seulement la vie était comme avant, si seulement des guerres au monotone, oui. Si seulement la vie était comme avant, si seulement des guerres au monotone. Comme avant, si seulement des guerres au moins le temps, oui. Si seulement la vie était comme avant, si seulement des guerres au moins le temps. Mien ma mouman. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui les enfants de la Réunion exilés dans la Creuse. Violence contre soi ou contre les autres, provocation ou repli, les pupilles réunionnais expriment leur mal-être avec les armes dont ils disposent. Et l'administration reste longtemps aveugle, entêtée. En 1968, pourtant, les premières difficultés apparaissent. Sur l'île, de violentes critiques s'expriment. Des élus communistes surtout. Raymond Vergès et Léon Lapervenche dénoncent un trafic d'enfants, tandis que les responsables des services sociaux ne peuvent plus rester aveugles face à la catastrophe humaine qu'ils organisent. Ainsi, en 1968, les envois de pupilles ralentissent. La politique de transfert ne s'inscrit plus dans un cadre de migration massive, ce qui déplaît fortement au député Michel Debray. Et puis, certains élus de l'île commencent à parler d'autonomie, voire d'indépendance. Les mauvaises nouvelles volent en escadrille pour Michel Debray, qui reste pourtant fidèle à ses principes, à l'image de l'entretien qu'il donne à Antenne 2 en octobre 1976. Michel Debray est, lui, convaincu de l'attachement irréversible des Réunionnais à la mère patrie. Dans la profondeur de leurs sentiments, les Réunionnais et les Réunionnaises n'acceptent pas d'imaginer qu'ils puissent être coupés de ce qu'ils appellent non pas la métropole, mais la mère patrie. Les Réunionnais et les Réunionnaises se sentent liés à la France d'une manière qui peut surprendre le visiteur, mais qui est si profonde que l'on ne peut pas parler ici d'indépendance. Au début des années 70, personne n'ose dire non à Michel Debray, personnage erratique. De 1966 à 1973, il occupe différents postes de ministre et dispose d'un large réseau d'influence à tous les niveaux du pouvoir. Non, il n'est pas un député comme les autres, et il n'a aucun mal à influencer les préfets qui se succèdent à Saint-Denis, jusqu'à, s'il le faut, court-circuiter l'administration. Et puis pour lui, la migration n'est pas un échec, non, elle doit simplement être réformée. Alors d'abord, il prospecte de nouveaux départements susceptibles d'accueillir à leur tour les enfants. Il faut surtout une antenne spécifique en métropole chargée de faire le relais avec l'île. Michel Debray active donc ses réseaux. Il reçoit l'accord du ministre de la Santé, Robert Boulin, avant de demander à l'un de ses anciens collaborateurs, René Lenoir, nouveau directeur de l'action sociale, de faire aboutir le projet le plus vite possible. Par son influence, Debray réussit à convaincre les plus hautes instances du pouvoir. Une antenne de la DAS réunionnaise est créée à Montpellier, la grande ville la plus proche des principaux départements d'accueil. En mai 1974, cette antenne est ouverte et elle permet de relancer la migration de masse, mais pour un temps seulement. Sur l'île, la situation économique se redresse et la transition démographique s'achève. La politique volontariste mise en place par le député et le gouvernement finit par produire des effets. Le niveau de vie s'accroît, l'état sanitaire et social s'améliore. Oui, mais à quel prix? Peu à peu également, Michel Debray perd de son influence. Dès 1973, il n'est plus ministre. Et l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 écarte de nombreux gaullistes historiques. Mais une lame de fond encore plus profonde arrive, irrésistible, un monde nouveau. Je voudrais surtout le droit à la contraception. Bon, parce que, comme vous savez, la loi Veil risque d'avoir de capoter. Et alors je trouve ça assez monstrueux. La légalisation de la contraception en 1967, puis de l'IVG en 1975, provoque une secousse dans toutes les couches de la société française. Les naissances sont désormais choisies plutôt que subies. On considère qu'un enfant est de fait désiré et qu'on ne peut le séparer de sa mère, même si celle-ci est seule ou désargentée. À partir de la fin des années 70, le placement devient ainsi le dernier recours quand tout a été tenté. Et si celui-ci doit avoir lieu, l'enfant doit pouvoir rester en lien avec les siens. Son histoire, ses racines, ses passés ne sont plus niés. Désormais, la DAS de La Réunion encourage le maintien à domicile et développe des alternatives comme l'action éducative en milieu ouvert qui permet de laisser un mineur dans sa famille sous la surveillance d'une assistante sociale. Le dernier clou est enfoncé à la fin des années 70. Le chômage de masse apparaît et en 1981, les socialistes prennent le pouvoir. Il n'y a plus d'intérêt à faire venir des jeunes réunionnais en métropole. L'antenne de Montpellier ferme ses portes. Le système de Bray est définitivement enterré. Le député défendra pourtant toute sa vie son action sur l'île sans jamais en assumer les dérives. Jean-Jacques lui grandit tant bien que mal. Ayant accumulé un retard trop important, il ne peut pas poursuivre d'études. Alors il devient cuisinier, tombe amoureux, se marie et le couple s'installe dans l'Aude. Les années passant, il développe un ressentiment envers l'état hanté qu'il est par son enfance volée. En juillet 2001, il retourne pour la première fois à La Réunion. Il a 42 ans et son histoire commence à circuler timidement, mais tout de même dans les médias. 35 ans après son exil forcé, il serre dans ses bras pour la première fois de sa vie sa mère, ses frères, ses sœurs. Le 30 janvier 2002, il introduit un recours devant le tribunal administratif de Montpellier pour enlèvement et séquestration de mineurs, rafle et déportation. Toujours au micro d'Anna Leverzo, il se souvient du jour où les médias se sont enfin intéressés à son histoire. Oh maman, il y a eu beaucoup de médias français, étrangers, qui ont fait la queue. Nous vivions dans un chemin privé qui faisait 200 mètres de long. Ben, tous les médias français étrangers, ben, ils attendaient leur tour et je les ai reçus un par un en restant humble. Et surtout, j'avais prévu d'acheter des mouchoirs en papier. Parce que tes confrères, je les ai accueillis, ils étaient souriants. Mais quand ils sont repartis de chez moi, ben, ils avaient tous pleuré. Dans la foulée, des dizaines d'histoires de pupilles sont révélées. Faut dire que l'époque a changé, le caractère amoral de l'affaire est souligné, celui d'une déportation cruelle, destinée à alimenter les campagnes d'une population docile. Dans les années 90, la loi Guesso a ouvert la voie à une judiciarisation de l'histoire et de la mémoire. La France revisite son passé à travers des procès retentissants, comme ceux de Maurice Papon ou de Paul Touvier. Le 12 août 2002, un décret ministériel autorise finalement Jean-Jacques à retrouver son nom d'origine sans dommage ni intérêt. En février 2014, la députée de La Réunion, Erika Barreitz, fait adopter par l'Assemblée une résolution mémorielle qui reconnaît la responsabilité de l'État français. L'histoire des pupilles réunionnais entre donc péniblement dans l'inconscient collectif près de 40 ans après le début de l'opération. Au micro de France 3 Limousin, la députée évoque cette résolution. Ce qui est acté, c'est qu'il y a eu ces maltraitances, mais qu'il y avait aussi une pratique du travail social de l'époque, pas propre aux Outre-mer, généralisée, qui faisait que la pratique disait pour que les pupilles en général se reconstruisent, il faut absolument les couper de leur origine. C'est ce qu'on a fait pour les Réunionnais. Et personne ne doit avoir honte de ce qu'il est. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de paix. Et la paix, c'est raconter. Mais raconter la vraie histoire. C'est pour ça qu'on a encore du travail à faire. La vraie histoire, cette histoire qui a projeté des milliers d'enfants dans l'âge adulte sans les repères nécessaires. Des gens qui ont peiné à se construire une identité, à savoir d'où ils venaient. Et puis cette question qui revient sans cesse. Que serais-je devenu si on ne m'avait pas arraché de mon île ? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger. Pour apprendre à marcher, être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Vous écoutez Affaires Sensibles, aujourd'hui le sort dramatique des enfants réunionnais exilés de force en métropole, avec notre invité Yvan Jablonka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, écrivain, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 13, et vous venez de publier le livre En camping-car, où il est question de vos voyages d'enfance. Vous êtes également l'auteur pour l'histoire qui nous intéresse, de Enfants en exil, paru au Seuil en 2007, comme l'autre livre cité d'ailleurs. Alors là, c'est une longue enquête sur l'histoire de ces pupilles réunionnaises et réunionnais envoyées en métropole pendant près de 20 ans. Je me disais, tout en diffusant le récit, il y a quelques minutes, mais enfin, cette histoire avait lieu aujourd'hui, elle déclencherait un scandale énorme. On en parlerait, et d'ailleurs elle serait peut-être même impossible. À quelle France ça nous renvoie, ce drame-là qui n'a pas été dénoncé, qui a perduré ? Vous avez raison de dire que cette politique serait aujourd'hui impensable. Et donc, précisément, on a du mal à la comprendre. Elle a eu lieu, et elle a eu lieu dans une certaine indifférence, parce que on considérait que c'était pas quelque chose de très important, et cette espèce de mépris pour la souffrance des enfants fait partie intégrante de l'ambition de d'intégration manifestée par Michel Debré. On est au début des années 60, on est en 1963. Michel Debré vient d'être élu député de La Réunion après avoir été le premier ministre de la Ve République. On est au cœur de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, donc une période de très forte croissance qui permet l'amélioration des conditions de vie grâce au plein emploi et à la modernisation de l'économie. Et puis, pour ce qui nous concerne, c'est un moment de bascule parce que la France n'est plus à la tête d'un empire colonial. Encore quelques années plus tôt, elle pouvait se présenter comme une plus grande France avec à la tête du deuxième empire colonial mondial, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, l'Indochine. En 1963, tout ça, c'est complètement terminé et la France, au-delà de l'Hexagone, ne règne plus que sur quelques territoires et îles tropicaux, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et donc au milieu de cet océan Indien, la Réunion. Mais depuis 1946, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ces territoires ne sont plus des colonies, ce sont des départements. Ouais. C'est ce qu'on appelle le DOM. Et aujourd'hui, on dit le DOM sans même se rappeler que ça veut dire département. Non, outre-mer. Voilà. Et le département implique un certain nombre de mesures, de dispositifs légaux qui vont précisément permettre ce transfert forcé d'enfants. Est-ce que Michel Debré a une référence en tête, ce qui aurait pu se passer ou ailleurs, ou je ne sais pas, peut-être en France? Est-ce que c'est un modèle qu'il réitère comme ça? C'est pas une invention totale? Mais il y a plusieurs modèles. Je ne sais pas si Michel Debré en était véritablement conscient, mais d'abord dans les années 50, il y a eu ce qu'on appelle l'expérience de la Saquet, qui a consisté à transférer des centaines de familles réunionnaises vers l'île voisine de Madagascar. Mmh. Donc il y a eu comme une espèce de répétition générale, avec des travaux routiers, hydrauliques, bref, pour permettre comme ça cette implantation hors sol de familles réunionnaises. Et puis, il faut dire que la vieille assistance publique pratique les déplacements d'enfants à longue échelle depuis en fait des décennies, voire des siècles. Un enfant au XIXe siècle, un enfant qui naît sur les pavés, si je puis dire, à Paris ou à Marseille, très rapidement, on l'envoie dans les campagnes. C'était les enfants rouges au Moyen-Âge, notamment. Voilà, donc il y a toute une tradition d'éloignement des enfants pour permettre leur prétendue renaissance ou leur prétendue réintégration sociale. Et c'est au fond ce que fait Michel Debré dans un autre contexte. À propos de Michel Debré, je trouve que vous êtes... vous ne l'accablez pas, en tout cas. Pourquoi vous ne l'accablez pas? Il est un homme de son époque, et peut-être que quelqu'un d'autre que lui, à son époque, aurait pu réagir de la même façon. C'est plus le procès d'une époque que d'un homme, pour vous? Je ne l'accable pas, parce que ce n'est pas tout simplement l'objet de la recherche historique. Oui. J'essaye d'abord de comprendre avant de condamner s'il y a lieu. Michel Debré se présente comme un patriote, grand résistant, commis de l'État, républicain gaulliste. Il a assumé des fonctions ministérielles de tout premier plan et il faut lui reconnaître une ambition pour la Réunion. C'est vrai que quand il devient député au début des années 60, il a une vraie ambition. Il manifeste ce qu'il a appelé, on l'a entendu dans les images d'archives, la solidarité de la métropole, qui consiste à améliorer le niveau de vie, à permettre des transferts financiers pour faire en sorte que les Réunionnais vivent mieux, santé, scolarisation, action sociale, résorption des bidonvilles, etc. Maintenant, c'est vrai que faire baisser ce qu'il appelle le surplus humain, la surpopulation supposée sur l'île, il est prêt à tout. Donc il invite de jeunes adultes à partir, et puis il y a ce transfert forcé d'enfants. Mmh. C'est une conception gaullienne selon laquelle l'intendance suivra. Mais sauf que l'intendance, c'était des enfants. Voilà. C'est des enfants. C'était un homme intelligent. Vous êtes parti de l'élite française, c'est moins qu'on puisse dire. Un premier ministre, co-rédacteur de la Constitution. Il fait partie des grands hommes de la Ve République. Pourquoi n'a-t-il pas pensé un seul instant que ça pouvait poser de graves problèmes humains? Et vous pouvez même ajouter que c'est le fils d'un très grand pédiatre, hein, professeur Debré. Je crois que dans cette conception gaullienne de l'intendance suivra, il y a une profonde indifférence à la souffrance d'autrui. à la souffrance des enfants. Ouais. Ici, au fond, il y avait un objectif suprême qui était le maintien de la Réunion dans l'ensemble national républicain, et le reste n'avait aucune importance aux yeux de Michel Debré et de tous les édiles de l'île. Et puis, je crois aussi qu'il faut rappeler le contexte de violence d'État coloniale, de violence coloniale qui régnait à l'époque. 1963, c'est-à-dire le début de ce transfert forcé, c'est 2 ans après la répression sanglante de la manifestation du 17 octobre 1961, au cours de laquelle des dizaines et peut-être 200 manifestants algériens ont été tabassés, certains jetés à la Seine. On est 1 an après ce que un historien, Alain Deverpe, a appelé le massacre d'État du métro Charonne. Charonne, c'est ça. Et puis quelques années plus tard, il y aura aussi la très violente répression des grèves en Guadeloupe en 1967. Donc c'est un contexte de violence coloniale ou post-coloniale. Et je crois que ce profond mépris vis-à-vis du bien-être des enfants et de l'humain, et de l'humain, la personne humaine. Je crois que ça fait partie de cette violence. D'accord. D'État et aussi de l'indifférence coloniale, tout simplement. On parle de 1600 ou 2000 pupilles. On a une idée du chiffre précis, exact, d'enfants envoyés en métropole dans ces conditions? Quand moi j'ai fait mon livre... On a dit 2000, hein, on est parti sur 2000. Oui, moi quand j'ai fait mon livre, à l'époque, j'en avais compté à peu près entre 1600 et 1700. Ouais. Et depuis, le rapport de la commission présidée par Philippe Vital a calculé qu'il y en avait un petit peu plus de 2000. Et je crois qu'il a raison et que c'est à peu près le chiffre de mineurs transplantés, c'est le terme que Philippe Vital retient, à peu près 2000 mineurs transplantés, dont un peu moins de 500 adoptés, et ils ont été placés dans plus de 80 départements. Et ça, c'est un point fondamental, parce que tout le monde dit les enfants de la Creuse, bien sûr, la Creuse, parce que c'est le département qui a été le plus mis à contribution. Mais c'est en fait une affaire nationale. Ce sont 83 départements. Oui, quasiment. Bien sûr, c'est quasiment française, toute la France, en fait, qui a reçu des enfants réunionnais. Donc ça, c'est vraiment un point très important, je crois. J'ai employé une seule fois, je crois, le mot déportation dans le récit. Alors, vraiment, il a une charge symbolique et réelle très forte, ce mot-là. Donc j'ai presque pas osé l'employer, je l'ai fait quand même. Une seule fois, est-ce qu'on peut parler de déportation? Alors, vous avez dit transplanter, on va garder ça. Est-ce qu'on pourrait parler de déportation? Pour moi, la déportation est liée à une intention criminelle. Et ce n'était pas le cas dans cette... Ou répressive et carcérale avec les bagnards, par exemple. C'était une déportation. Et je crois qu'on n'est pas dans ce contexte, ni de génocide, bien entendu, ni de violente répression. Et c'est pourquoi... Philippe Vital utilise le terme de transplantation, que je peux faire mien. Moi, dans mon livre, je parle d'exil ou de transfert forcé. Le terme de transfert forcé me paraît bien rendre compte des tenants et des aboutissants. Alors, on va écouter une archive qui revient sur les conséquences de cet exil forcé. Alix Oer, c'est l'ancien directeur du foyer de l'enfance de Guéret, donc chef du département de la Creuse, et lui-même d'origine réunionnaise, il s'exprimait au micro de France Bleu. Alix Oer était directeur du foyer pour l'enfance de Guéret. Il se souvient de ses enfants arrachés à leur île pour servir de main-d'œuvre dans les fermes de la Creuse. 30 ans après, il dénonce le mensonge qui a entouré cet exode. On a dit aux parents que leurs enfants venaient en métropole pour faire des études supérieures de médecine, d'avocat, dentiste, etc. Et puis après que tous les ans, ils reviendraient en vacances. Les parents ont applaudi de deux mains, ils ont signé de deux mains. Alors, on l'a vu, notamment avec l'entretien de Jean-Jacques Martial, dans le récit, que les conséquences ont souvent été désastreuses pour l'équilibre des enfants envoyés. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de pupilles qui ont eu des problèmes psychologiques, qui ont sombré dans la délinquance? Est-ce que c'est la majorité d'entre eux? J'ai du mal à proposer un chiffre définitif parce que c'est difficile de voir à travers les archives des phénomènes de dépression, d'internement, de clochardisation ou de délinquance qui ont frappé, qui ont brisé des enfants, souvent déjà fragilisés. Moi, j'ai l'impression, je dirais quelque chose comme un tiers ou un quart d'enfants qui ont véritablement été détruits par ce transfert forcé. Mais il faut se rappeler que tous, sans exception, ont subi ce que j'appellerais le choc métropolitain. C'est-à-dire arriver dans un contexte complètement nouveau, être dépaysé, parler une langue étrangère, il faut se souvenir qu'ils parlaient le créole et pas le français, être victime de solitude, de racisme, alors qu'on leur a dit et répété qu'ils étaient français. De fracture climatique aussi, ça paraît pas essentiel, mais c'est important là. C'est essentiel. Et voilà, et Jean-Jacques Martial disait, c'est terrible, on vient du soleil, on est habitué à ça. On arrive à Paris avec la grisaille, la neige, le froid. Donc ça, c'est une violence aussi. Bien sûr. Ils peuvent partir en février, c'est-à-dire c'est l'été dans l'hémisphère sud. Et puis, ils arrivent dans la Creuse, il fait moins 10. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une différence de 40 degrés Celsius entre le départ sur l'île et l'arrivée en Creuse ou dans le Gers ou encore en Lozère. Et il y a aussi quelque chose qui fait partie de ce que j'appellerais cette idéologie républicaine, c'est l'effacement volontaire des parents qui sont supposés disqualifiés et la volonté aussi de séparer les fratries. Je dis que c'est une conception, une pensée républicaine parce que c'est une idée c'est l'idée de hâter l'intégration des enfants, et pour hâter cette intégration, eh bien, il faut les réduire à de simples individus, loin de leur île, loin de leur famille, loin de leur fratrie. Et bien sûr, tout cela s'est révélé une tragique illusion qui n'a fait que des catastrophes humaines. Et on n'a pas beaucoup parlé des parents, mais j'imagine la douleur terrible des mères, des pères, à qui on enlève l'enfant. Enfin, c'est comme là, les plus grands malheurs qui puissent arriver à des parents, c'est qu'on enlève leurs enfants. La douleur, l'incompréhension, et comme tous les témoins l'ont dit, une atmosphère permanente de mensonges. Hein, on prend votre enfant, on va en faire un monsieur, il va faire des études supérieures, elle va revenir, elle sera quelqu'un, etc., etc. Ou alors, il y a eu aussi, ça je l'ai vu pour le coup dans les archives, on fait signer à des parents illettrés des procès-verbaux d'abandon. Alors on leur dit, mais signez, faites-nous confiance. Et puis, vous avez une assistante sociale comme ça, qui parle bien face à des gens qui sont complètement perdus, ou parfois au chômage, dans des difficultés sans nom. Et puis les gens signent, d'ailleurs on le voit d'une croix. Et moi, je l'ai vu dans les archives, cette croix, c'est quelque chose de tragique. C'est un anonymat tragique, parce que c'est tout simplement une mère qui vient de consentir, entre guillemets, à abandonner ses enfants sans bien sûr le savoir. Yvan Jablonckart, on se retrouve dans 3 minutes. Merci en tout cas d'être avec nous dans Affaires Sensibles. I've been low, I've been high, I've been sold all my life. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before, I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before, I feel that knocking on my door. And I've lost it. I got nothing new to play. Thomas, Michael Kielnauka sur France Inter. Nous revenons à notre histoire d'enfants réunionnais exilés de force en métropole avec vous, Yvan Jablonka. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre intitulé « Enfants en exil, transfert de pupilles réunionnais en métropole de 1963 à 1982 ». Bon, bah, les médias ont mis un certain temps à parler de cette affaire. Est-ce que ça fait partie des pans de notre histoire que nous ne voulons pas assumer, qui sont tabous? Il est vrai que c'est pas glorieux, effectivement. C'est sûr, c'est sûr. Les premiers qui en ont parlé en 1968, ce sont les communistes réunionnais dans leur organe de presse Témoignages, et ils ont dénoncé un trafic officiel d'enfants, je cite. Mmh. Et puis il a fallu attendre. Ensuite, l'affaire est tombée dans l'indifférence la plus sombre. Et puis il a fallu attendre le début des années 2000 et l'initiative de Jean-Jacques Martial, qui a porté plainte contre l'État, pour que les médias s'emparent de l'affaire. Et en 2002, l'affaire fait l'ouverture du journal télévisé de TF1. C'est Patrick Poivre d'Arvor qui annonce que cet ancien pupille a porté plainte contre l'État. Et à partir de là, je dirais que fort classiquement, la machine médiatique s'emballe. Ça devient une affaire d'État. Il y a un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Et d'une certaine manière, ça entre dans le débat public. Mais ce qui, moi, en tant qu'historien, me peine et m'inquiète, c'est que c'est entré peut-être dans le débat public, mais c'est entré ni dans les mémoires, ni dans l'histoire. Et je crois que le plus important ici, en tout cas c'est mon combat, c'est que cet épisode soit reconnu comme faisant partie de l'histoire nationale. Je crois que c'est une affaire d'État, hein, puisque c'était Michel Debré, et puis les ministères centraux étaient parfaitement au courant de ce transfert forcé. Et puis ça fait partie de l'histoire nationale. Pourquoi ? Parce que je crois que ça pose des questions qui sont des questions brûlantes, et ces questions, on n'a pas envie de les regarder. Lesquelles ? D'abord, il y a les non-dits de la pensée républicaine. Qu'est-ce que c'est que la pensée républicaine, notamment dans son versant intégrateur ? Qu'est-ce que c'est qu'intégrer ? Il y a une charge de violence culturelle, psychologique, dans la volonté d'intégrer, et on le voit parfaitement dans cette affaire des enfants de la Creuse. Deuxièmement, il y a la question de ce que j'appellerais le post-colonial. Ouais. Bien sûr que la France n'est plus un empire colonial, mais enfin, est-ce qu'elle traite exactement de la même manière la Sarthe et les Bouches-du-Rhône d'un côté, et la Guadeloupe, Mayotte et la Réunion de l'autre ? Je ne suis pas sûr. Et donc, il y a cette question de du non-dit post-colonial qui est encore béant et que cette affaire ouvre, inaugure en quelque sorte. Et qu'est-ce que peut faire un historien pour que ça rentre ? Alors, écrire un livre, comme vous venez de le faire, participer à des émissions comme celle-ci. Mais qu'est-ce qu'on peut faire légalement pour dire, voilà, il faut que ça rentre dans notre histoire et qu'on l'assume ? Mais je ne crois pas que ce soit sur le plan légal que ça se passe. En tout cas, c'est pas mon combat. Il y a des avocats, des associations qui font un travail remarquable. Je dirais que c'est un travail à la fois juridique et mémoriel, et c'est très bien. Mais moi, en tant qu'historien, je ne peux faire que écrire des livres et venir à votre antenne grâce à votre équipe formidable et à son travail. La troisième charge politique, je dirais, de cette affaire tragique, c'est la violence d'État. Et là, il y a une violence d'État qui a d'autres manifestations et qu'on peut voir jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut s'interroger. Beaucoup disent la République. Ben oui, mais la République, elle peut être porteuse de violence. Elle n'est pas toujours vertueuse. Elle n'est pas toujours vertueuse et on le voit de manière tragique dans cet épisode. D'ailleurs, il y a plein de républiques qui sont des dictatures. Hein. La République n'est pas forcément du reste, démocratique comme et vertueuse. La première République française a été une terreur, hein, une dictature. Oui, c'était pas tendre, c'est clair. Voilà. Mais enfin, Oui, pardon, Yvan Jablonka, parce qu'il nous reste que 30 secondes. Je voudrais dire un petit mot de votre autre livre, alors qu'il n'a rien à voir, hein, s'appelle En camping-car. J'ai pas eu le temps de lire encore. Donc, deux mots sur ce livre, c'est quoi? C'est des souvenirs de jeunesse quand vous avez traversé l'Europe? C'est quoi? C'est quoi l'intention du livre, en fait? Ça part de souvenirs d'enfance, mais j'ai voulu faire le portrait de mon enfance et du monde de ce que j'appellerais notre enfance, si vous me permettez ce collectif. J'ai voulu raconter la fin du XXe siècle, hein, une époque où on n'était pas connecté, où on allait en camping-car au lieu de prendre l'avion dans des compagnies low-cost. Et donc, j'ai voulu faire le portrait d'une époque, le portrait d'une société. Et je dirais que ce livre, c'est pas vraiment des souvenirs d'enfance, c'est plutôt une biographie collective, une biographie avec des nous. Bien, et qui nous renvoie certains d'entre nous vers des jolis souvenirs. Enfin, j'espère pour tout le monde. Merci en tout cas, merci infiniment. Merci à vous. Jabouka, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les enfants réunionnais exilés de force en métropole. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Héloïse Daviaud, Jean Bulot et Guillaume Ballandras. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Jérôme Boulet était à la réalisation, ainsi que Coyenne Guyenne, mardi. Et à la technique aujourd'hui, c'était Loïc Frank-Psos, que je remercie.